Cours numéro 6. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Avant de continuer la lecture de notre رسالة, فنقرأ كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله. Dans le dernier درس, on avait dit أن بإذن الله عز وجل on lira ensemble من كلام الإمام الشنقيطي من كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. Et c'est une risala tayyiba, nafi'a. Et في سورة لقمان عند قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة, on avait lu كلام الشيخ سعدي, قال هذه الآية الكريمة تدل على الأمر ببر الوالدين الكافرين. نعم. وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فسا سا مونتخ أن الآية sur les parents كفر. Si ils t'appellent à faire du shirk, à suivre leur din batil, fala tuti'hum. Thumma qala azza wa jalla wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Fa qala al-imam Shanqiti rahimahullah, hadhihi al-aya al-karimatu tadullu 'ala al-amr bi birr al-walidayn al-kafirayn. Donc d'avoir un bon comportement, du ihsan, la bienfaisance envers ses parents, même si c'est des mécréants, même si c'est des kuffars. وقد جاءت آية أخرى يفهم منها خلاف ذلك وهي قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. Un autre verset qui en apparence pour certains il peut se poser la question, est-ce qu'il y a une contradiction, comment faire dans ce verset on doit avoir un bon comportement bil ma'ruf etc. et dans ce verset لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. C'est citer les parents. Et il n'a pas à les aimer ou à les détester, même si c'est ses parents. قال ثم نص على دخول الآباء في هذا بقوله ولو كانوا آباءهم. Donc ça montre bien que dans le premier verset c'est citer les parents, on doit avoir un bon comportement bil ma'ruf. Dans le deuxième verset c'est citer les parents, on doit les détester. Enfin, comment faire pour comprendre les deux versets? C'est pour ça que cette risala est nafi'a. Tout ce livre il cite tous les versets du Coran qui en apparence une contradiction pour certains à cause du manque de méditation, à cause de l'ignorance, à cause de la précipitation. Robama, tu penses qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas de contradiction dans le Coran, c'est impossible. Faliyad al-Imam Shanqiti a écrit cette risala pour montrer qu'il n'y a aucune contradiction. Et on a un exemple هنا. قال والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا معارضة بين الآيتين. Il n'y a aucune contradiction. Il n'y a pas de mu'arada, il n'y a pas de ta'arud. قال ووجه الجمع بينهما أن المصاحبة بالمعروف أعم من الموادة. صحيح أن المصاحبة بالمعروف avoir un bon comportement c'est plus vaste que le fait d'aimer. قال لأن الإنسان يمكنه إزداء المعروف لمن يود ومن لا يوده. Et c'est ça que كثيرون من الناس ils n'ont pas compris. والله البعض يتعجبون quand tu lui dis je peux avoir un bon comportement bil ma'ruf ila aghrib, même être souriant dans certains cas ila aghrib, et le détester. La yafhamun. Alors que في القرآن tu as les deux versets qui te montrent هذا. قال والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم, أي أن الله عز وجل نهى عن محبة ومودة الكفار, ça implique pas que نهى عن الأعم أي d'avoir un bon comportement. وإلا فالله سبحانه وتعالى il n'aurait pas révélé قوله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفة. Ça nous montre quoi? كما تقدم, ça nous montre أن من أسباب الانحراف في هذا الباب c'est قلة العلم, قلة تدبر القرآن, ne pas prendre du temps et هكذا se précipiter. Chacun prend le délil qui pense qu'il est pour lui. Maintenant, ashab l'islam de France, il a agré, ils vont prendre hadhihi al-aya wa sahibhuma fi dunya ma'ruf. Il faut avoir un bon comportement avec le kuffar. Pourquoi tu dis que c'est des ennemis? Il a agré. Tu trouves un autre qawm qui font aucun tafsil, min juhal, da'ish, etc. Ils vont prendre ce verset. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ila akhir. Là, l'ilm, c'est fondé sur l'insaf. Tu dois prendre tous les adillah. Et fil haqiqa, law tata'ammal, le premier extrême, c'est la cause de l'égarement du deuxième extrême. Le premier extrême, c'est Ashab l'islam de France, qui disent qu'il ne faut pas détester les koufars, on est tous des êtres humains, la tolérance, le respect, la fraternité, il a akhir. Tu as le choix. Ça a été la cause de l'égarement de l'juhal d'aujourd'hui, des jeunes qui suivent Daesh, etc., les égarés. Les ces jeunes qui n'ont pas d'ilm, ils savent très bien quand ils lisent قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ils savent très bien que le verset il est clair. Un mu'min, il ne peut pas aimer un kafir pour son din, etc. Il ne peut pas, c'est un kafir, mais il doit le détester. Et eux, on leur expose que ces versets. Que les versets sur Al-Bara'atu min al-Kuffar. Donc lui, il est sûr qu'il faut les détester. Et c'est vrai, il faut les détester. Lakin, vu que cet ignorant, il sait que l'autre extrême, Ashab l'islam de France, il sait très bien que c'est des égarés. Il pense qu'il est à la haqq. Et il va faire une conclusion grave. Ouais. Si on les déteste, c'est des ennemis. Il va avoir de l'animosité envers eux. Tout ça, c'est haqq. Et ouais, il va faire une conclusion. Non, il faut les attaquer, il faut les tuer. Et Iyad Mbila, il va s'autoriser des choses interdites et il va se faire beaucoup de mal et beaucoup de mal aux autres. À cause de l'ignorance. Et les mandal, il y en a, ils pensent contredire le premier extrême. Enfin, le premier extrême, c'est eux. Ils ont une part de responsabilité. Ils ont repris Qawlah al-Sunnah. Qu'est-ce qu'on dit? Pour résumer, on dit c'est des kuffars. On les déteste. On les prend comme ennemis. Il a akhiré. Lakin, en même temps, on n'a pas le droit d'être injuste. Si c'est des proches, la bas min al-ihsan. Bel, si, même si ce n'est pas des proches, lakin, ils ne nous combattent pas. Il a akhiré. On n'a pas le droit d'être injuste. Et s'ils nous font l'ihsan, on doit répondre. Il a akhiré. Al-haqiqa tajtami al-aqwal. Lakin, vu que les ennemis de l'islam ils mettent en avant Qawlah al-Sunnah, abadan. Qawlah al-Sunnah, ils n'en parlent pas, ils le savent. Ils savent très bien que les salafis, ils appellent à être respectueux de son voisin, même si c'est un kafir, à ne pas faire de mal, ne pas faire d'injustice. Ben, ils savent très bien que le salafi, pour ne pas être injuste envers le kafir, il te dit sors et laisse-les. Laisse-les en sécurité, laisse-les faire leur vie, un ta sort. T'es pas responsable d'eux. Ils le savent très bien, abadan. Lakin, ils veulent pas le montrer aux jeunes. Ils montrent que le Qawl, hatta ce jeune, il tombe dans l'extrême. Il dit là, il sait très bien que n'importe quel jeune qui aime dîner et qui lit le Coran, il sait très bien que ceux qui appellent à la tolérance, les koufars sont nos frères, et il n'y a pas de jihad, il n'y a pas d'amr bil ma'ruf, ils savent très bien que ça c'est bâti. L'imadal, il y en a les textes, ils le prouvent. Là, ces jeunes, mais ceux qui ne trouvent pas qui leur expliquer, ils vont sur internet et ils trouvent un groupe qui est beaucoup répandu avec des vidéos, il a agréé et il leur montre en fait. Il faut les détester, il faut faire ci, il faut faire ça, sinon t'es pas un musulman. Et Iyadan Billah, pour montrer que certains sont sincères, ils sont prêts à sacrifier leur vie. C'est pour ça que la tabunnun anna haoula, ils n'ont pas de responsabilité. Hey, le premier extrême, ceux qui appellent à la tolérance et à l'égalité, il a akhir. C'est pour ça que Qawlah al-Sunnah, fil haqiqa, c'est une rahma. C'est une rahma. Si Al-Kuffar, il propagerait Qawlah al-Sunnah, tu aurais beaucoup moins de terrorisme. Beaucoup moins. لأن العقيدة اللي واضحة هي اللي fondée sur la justice. أما l'autre قول il est واضح البطلان. C'est pour ça que les gens ils l'acceptent pas. Sauf un زائر منحرف جاهل. خاصة ceux qui vivent avec le kuffar, ils ont une maslaha, ils acceptent ce قول. Faut pas dire les détester, faut pas les prendre comme ennemis. Il a agréé et les textes ils sont là. C'est pour ça que dans le dernier dors on avait dit أن dans certains débats il a agréé. حتى بعض الكفار ils exposent des versets, ils leur montrent, ils disent mais dans le Coran c'est écrit qu'il faut détester. Tu trouves le musulman, il ne sait même pas quoi répondre. Ba'dhum iyadun billah, il rejette le verset et il tombe dans une chose très très grave. Comme c'est arrivé à Dak Zahir Tariq Ramadan, dans la kalima qu'on avait fait, on avait expliqué. Dans le débat télévisé, il l'a mis pied au mur, clairement. Deux fois ça lui est arrivé. Qu'est-ce que tu dis de la lapidation? Il a essayé de contourner, il lui a dit réponds, c'est permis ou c'est pas permis? On peut l'appliquer à Amla. Il a dit là. C'est le kufr billah azza wa jalla. Comment il fait pour que le musulman il s'égare. On dit que c'est haq la lapidation. Non. Heureusement que c'est haq. Bel c'est une rahma. On peut rajouter même c'est une miséricorde. Et on peut le prouver, alhamdulillah. Lakin hum, ils savent avec qui parler. Falihada, on conseille nos frères, nos soeurs de ne pas débattre avec haoula. Tata'adjab, comme en ce moment beaucoup des soeurs avec le hijab, elles essayent de débattre avec haoula. Et elles pensent qu'elles vont secourir la vérité, elles vont montrer. Wallah, certains reportages qu'ils font, ils sont légers, différés. Et si le musulman, il a le dessus, Obama, ils font des coupages, et c'est déjà arrivé. Hatta le musulman, après, il se plaint, j'ai pas dit ça, ils ont pas mis tout mon calam. Faut pas faire confiance au kuffar. Al-kafri, il invite les musulmans dans ce plateau, c'est que pour nous, sera-t-il kuffar. S'ils peuvent humilier le musulman comme ils ont fait avec Tariq Ramadan, ils le feront. Amma que le musulman prenne le dessus avec le kitab ou le sunnah, et ça fait une énorme da'wa, il y en a fait le haqqa, ça ferait une énorme da'wa, des millions de gens y regardent. Eh ben, ils laisseront ce musulman qui va, à la fin, il va conclure quoi ce musulman? Matalan, qadiyat al-hijab, anna je peux porter mon hijab, c'est mes droits. Et iyadun billah, kathir minhum, elles disent après, et vous êtes libre, votre dîn, anna j'ai pas d'animosité en votre dîn, on appelle à l'égalité, et elles vont dans hadad dalal. Et vous avez vos droits, on a nos droits, puis c'est pas comme ça le dîn. C'est pas comme ça, normalement, ils font même pas rentrer dans ce débat. Là, ce débat, ça te fera du mal. Si tu dis le haq, ils te feront du mal. On n'a pas besoin de hadad. Falihada, Allah subhanahu wa ta'ala, amarana, بالهجرة. C'est pour ça. أما الكافر أنه يتفاصيل التنتين أبدا. فهذا والله تعالى أعلم. فكلام الشنقيطي رحمه الله إلى نافع لفيني قال فكان الله فكأن الله أو فكأن الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة بالباطن لجميع الكفار يدخل في ذلك الآباء وغيرهم. Ça c'est أولا. Et c'est une base de notre dîn. On doit détester tous les kuffars. On ne doit pas les prendre comme alliés, que ce soit les parents, les proches, les enfants, il a akhiré. Ça c'est que pour le mu'minin. Et le mahabba par rapport au dîn, et les prendre comme alliés. قال وَأَمَرَ الْإِنسَانِ بِأَنْ لَا يَفْعَلْ لِوَالِدَيْهِ إِلَّا الْمَعْرُوفِ وَفِعْلُ الْمَعْرُوفِ لَا يَسْتَلْزِمْ الْمَوَدَّةِ. ثم on a un autre verset qui montre أن si, et ça c'est une exception, واحد, il a des proches des kuffars, ses parents, ses enfants, sa femme, maintenant واحد il est marié avec une kitabiyya, ففي هذا الحال le bon comportement المعروف, et ça implique pas المودة, et qui est fondé sur الدين, les aimer pour الدين أبدا. قال لأن المودة من أفعال القلوب لا من أفعال الجوارح. Ça te montre avec le jawarih tu peux avoir l'ihsan. Maintenant ton voisin c'est un kafir et il a fait des courses et c'est très très lourd pour lui, et un tas tu viens tu l'aides. Ça c'est min al-ta'awun min al-ihsan bil jawarih. Amma dans ton cœur, enfin c'est un nasrani, c'est un nasrani, c'est un juif, c'est un juif, tu le détesteras fillah, lakin tu l'aides fi hada min bab al-ihsan. Et on répète ان هذا الاحسان يا une faida azima cette da'wa. C'est pour da'wa, c'est pas pour autre chose, c'est pas par peur ou c'est pas pour de l'argent. Là c'est vu qu'on est des musulmans et on veut leur bien fi al-haqiqa. إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته sur un قول. Et ça montre que le mu'min في الحقيقة il aime pas le kafir, لكن il aime pour lui le bien, أي il veut son bien. فمن هذا الباب الإحسان. قال ومما يدل لذلك إذنه صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق ورضي الله عنهم أن تصل أمها وهي كافرة. نعم أسماء la demande au prophète صلى الله عليه وسلم sur sa mère c'était une كافرة. Elle n'était pas rentrée dans l'islam quand elle lui a demandé est-ce que tuhsin ilayha ila akhirin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Wa qala ba'd al-ulama inna qissataha sabab li nuzul qawlihi ta'ala la yanhaakum Allah 'an alladhina lam yuqatilukum fi ad-din ila akhirin. Ce verset taqaddam ma'ana. Donc tu as plusieurs cas. Si on résume, tu as le cas annahu kafir et il combat l'islam il a akhiré fa nubriduhu fillah wa nu'adihi fillah azza wa jalla, et on fait attention et il n'y a pas d'ihsan ma'ah limadha li'annahu combat l'islam. Deuxième cas, c'est un kafir lakin il combat pas l'islam et rubbama yuhsin ila al-muslimin ila akhiré, fa hadha on a un bon comportement ila akhiré. Troisième cas, annahu si c'est un proche, annahu si c'est un proche, fa fi hadha al-hal bien sûr al-ma'ruf wa sahibuhuma fi ad-dunya ma'rufa. Et كذلك si c'est le père, la mère, l'enfant, al-mahabba at-tabi'iyya c'est permis. Innaka la tahdi man ahbabt 'ala qawl ay man ahbabt ay l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Talib. Et al-mahabba at-tabi'iyya c'est al-qawl as-sahih, c'est que c'est une rukhsa, c'est permis. Fa hadha al-marji' donc dav' iham al-ittirab de l'imam Shanqiti 'inda sourat Luqman. Il a cité le verset wa sahibuhuma fi ad-dunya ma'rufa. قال العلامة الشيخ طويدر رحمه الله الآية العاشرة قوله تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وهذا إخبار من الله تبارك وتعالى بأن موالاة الكفار تنافي الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه وتوجب سخط الله. Tout ça تقدم dans les درس précédents avec le tafsil. أن إذا تولاهم إذا أحبهم سيلزام وينصرهم contre الإسلام فلا شك سيد الكفر. قال وفي هذا أبلغ زجر والتحذير من موالاتهم ومودتهم. Et on lira كذلك, on a oublié de un tafsil في الموالاة والتولي. بعض العلماء ils le citent pour montrer أن un c'est avec le mahabba et l'autre c'est une marsia. Et le tafsil, ils ont cité les deux mots pour faire le tafsil. وإلا نحن on n'a pas fait, c'est pour ça que أحيانا on cite الموالاة et on fait le tafsil. الأفضل ستسيتي بعض كلام أهل العلم في هذا إن شاء الله سنبقى لبخشن فوا. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم, فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. تسا تقدم أن من يواليهم contre المؤمنين pour leur دين فلا شك عياذا بالله أنه يبير صفوة. لماذا؟ لأن المؤمن يلم صندين يدتس الكافرين. فكما يبا سكورير الكفر contre sa religion qui croit que c'est حق, c'est pas possible. فلهذا في قلب الرجل لا يجتمع الإيمان et puis ولاية الكافرين les aimer, c'est pas possible. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. قال الآية الحادية عشرة قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Et dans ce verset, في الحقيقة il y a la cause pourquoi بعض الناس ils ont pris الكفار أولياء, par exemple المنافقون. لماذا؟ لأنهم يبتغون عندهم العزة. Il pense que ce kafir, c'est lui qui va lui donner. C'est lui qui va le protéger. Il pense que les musulmans, ils sont arriérés. Pardon, ils pensent que dînou l'islam, le Coran, le sunnah, c'est la cause de la pauvreté. Les musulmans, ils sont arriérés dans certaines choses. Et ils pensent trouver hadhihi al-izza fi dunya 'inda al-kafirin. 'Iyadan billah. Fabardoum, ils ont délaissé clairement l'islam. Ils pensent que l'islam, c'est une cause pour être arriéré. Hada, c'est min sifat al-munafiqin. 'Iyadan billah. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد. الزهد c'est un livre de l'imam Ahmed رحمه الله. Il a rassemblé des hadith في الزهد. الزهد c'est la piété, l'ascétisme. Son fils عبد الله il a un livre الزوائد avec des ajouts sur le asl de son père الزهد. C'est pour ça que هنا قال في زوائد الزهد. عن سعيد بن المسيب قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتز بالعبد أذله الله. هذا الحديث ضعيف, ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في الضعيفة رقم 2120. شيخ الألباني il a montré que ce hadith est faible dans son livre الضعيفة numéro 2120 2120. Et le hadith, il est bilad, man i'tazza bil'abid, adhallahu Allah. Al-abd, il est bil'tazghir bil'abid, dans les riwayat. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, ce hadith, il est da'if. Et la shak, anna man i'tazza bil'makhlouq, et la yatawakkal ala Allah, fa la shak, annahu, il sera madloul, makhdoul. Allah subhanahu wa ta'ala, yu'izzu man yasha, wa yudhillu man yasha, fal'izza lillah jami'a. فالإنسان يتوكل على الله. قال الآية الثانية عشرة قوله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله, on peut citer la parole de ابن كثير لأن الشيخ تويجري il a pas cité d'explication عند هذه الآية. فقال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي هم أي الكفار يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم وإياهم فيها. C'est ça قصد الكافرين. C'est pour ça que, عياذا بالله, c'est très très grave qu'un مسلم il pense qu'un كافر lui veut du bien. Ou il pense que le haq, ça sera en suivant le kafir. Ou il fait confiance à ce kafir. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le kuffar. Allah subhanahu wa ta'ala, il est bi kulli shay'in alim. C'est le khabir. Qala waddu. Al-wud, c'est, ça ressemble à al-mahabba. Et qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils désirent les kuffar? Waddu la ou takfuroun. Andur. Le kafir, il veut que tu deviennes comme lui. نحن بعض المسلمين سيكوا لغ ديزير سيكو لو كافر يغست كوم إله نورمالمون نحن كذلك ونسبر كو الكافر ستفين مؤمن لكن لماذا pour qu'il soit épargné de النار يوم القيامة. C'est pour ça que chaque مسلم ولله الحمد quand il entend qu'un كافر que ce soit un نصراني un يهودي صغار أو autre il rentre vers l'islam فالمسلم يفرح ربما il ne le connaît pas. يفرح لماذا لأنه يسكس النعمة عظيمة يسكى فرسي مر على هذا الإسلام فيسرى بخزغفي دون الانفير اترنانم هم قال عز وجل ودوا لو تكفرون لغبوت سي هذا لغ ديزير سي هذا كما كفروا كتو دفين كم لي فتكونون سواء سا نمونتر أن الكافر يفو باك تلو ديباس بوركوا يزن كومبات في النبي صلى الله عليه وسلم لا جالوزي كثير منهم la jalousie li anna Allah rafa'ahum avec ce nabi avec le nubu avec le Coran fa harabouhum. Et tu trouves l'un بعض السبهاء ils pensent vraiment et croient, ils ont la conviction que le kafir il est véridique quand ils appellent à l'égalité à la fraternité, tout ça c'est du kadhib. Qala azza wa jalla waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa. Qala ibn kathir rahimahullah لتستو أنتم وإياهم فيها أي في الضلالة حتى فزت أفكوا في الضلالة ولد بسبا. قال وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم. فقوا هذا لأنهم اتست المسلمين. تأمل قوله رحمه الله لشدة عداوتهم. العداوة سلانيموزيتي بشدة. Et on le voit aujourd'hui. Tous se harbent الآن contre le hijab contre les musulmans. Qu'est-ce que le musulman, on va prendre l'exemple en sœurs, les sœurs en France avec le hijab, qu'est-ce qu'elles ont fait de mal à la France? C'est des mesquines, elles sont fihalihin et le kafir, il n'a aucun danger de ses sœurs. Un peu. Mais c'est quoi? Harb l'islam. Ce tissu, même s'il n'est pas shar'i, c'est un foulard qu'elle met, il n'est pas shar'i, elle se maquille, elle a l'akin, vu que ça représente l'islam هناك يحاربونهم et les laisseront pas, ils les délaisseront pas حتى elles l'enlèveront sauf celles qui se préservent et تتوكل على الله et celles que Allah سبحانه وتعالى préservera وإلا فleur but c'est هذا. Prends l'exemple du hijab et تطبق الآية ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. Leurs femmes elles sont dévoilées, ils veulent que les nôtres elles soient dévoilées. Il n'y a pas plus simple. Comme leurs femmes elles sont في حالة سيئة, il n'y a plus de respect, tout le monde les regarde, elles sont exposées comme des bêtes. Là, il y a donc que cette muslima, elle est fi afia, fi haya, fi hishma, sutra, avec son hijab. Là. Même si elle fait des concessions. Combien de sœurs elles font des concessions? Celle qui choisit que le visage, que le couvrir le visage c'est obligatoire, Robama elle se découvre, même si elle pense que c'est obligatoire, Robama. Un peu de mixité, Obama, les enfants à l'école, combien de choses le kafir il n'arrêtera pas. Hatta takununa sawa. Le mot sawa c'est pareil. Falihada, la solution pourquoi? Est-ce que tu peux combattre ce billet tout seul? Tu peux rejeter leur loi? Tu peux pas, tu es au milieu d'eux. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun rahimun, il y a daiman une solution. Il ne te laisse pas appliquer, va dans un pays où tu peux appliquer. Bilad al-Muslimin, la femme elle se met en hijab, en sitar, en niqab. Elle est respectée jitten. Elle est respectée par les autorités. Elle est respectée quand elle sort. Elle est respectée dans les magasins. Dans beaucoup de pays de musulmans, tu trouves même des choses khassa pour les femmes. Dans le sport, dans kada. Il y a des choses qu'elles peuvent faire qu'elles ne pourront pas faire. Peut-être. sans regarder ce qu'il y a des mukhalafat et les détails, c'est autre chose. Mais pour te montrer, il facilite certaines choses pour la sœur. Qui c'est qui va parler à une sœur voilée huna? Abadan, par rapport à son voile, on parle. Abadan, yihtrimoun jiddan. لكن الله المستعان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على هؤلاء نحن ندعو للزدي ولو بالدعاء ندعو للزدي أما profiter de leur faiblesse et les critiquer أو se moquer أو dire c'est votre faute vous êtes là-bas c'est pas من الحكمة هذا c'est pas من الحكمة ils sont là-bas ça reste nos frères et certains ils ont des faiblesses même ceux qui n'ont pas de faiblesses on doit les aider بالدعاء et أنت الله سبحانه وتعالى فضلك et il t'a facilité à pouvoir vivre dans un pays musulman, montre-leur les bienfaits. Qu'on miftah lil khayr. Ils ont une shubha, iyadun billah, qu'on a détaillé dans la risala qu'on a fait ensemble de Cheikh Saadi, al-Nasiha al-Rabbaniya, et le débat avec le musulman qui est attiré par les kuffar, tadkurun. Et ba'dhum, ils ont une shubha, c'est pareil, vivre les musulmans. Je te dis, c'est pareil. Alors que, adhan, avec ce qui se passe là, en France, de jour en jour ça s'aggrave et encore l'un cette histoire du hijab avant l'un je ne sais pas si quelqu'un va encore oser dire que c'est pareil mais avant et là sahib hawa pour se rassurer il est vaif il veut pas faire la hijra et il veut se rassurer wa illa comme min awam wallah on connaît des awam انهم ils sont pas hawl al-ilm ils ont des faiblesses dans l'application de sunna ila akhirah ils reconnaissent ils disent c'est des ennemis d'Allah azza wa jalla c'est des ennemis d'Allah ils veulent pas notre bien. Alors que في الحقيقة les textes ils sont clairs. قال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. Le verset il est clair. لكن on a un ضعف الإيمان. أحيانا نحن il faut qu'on prenne des coups pour comprendre. Pourtant le verset il est clair. لكن on le lit on a du mal. Dès que tu prends le coup après tu reviens au verset tu dis صحيح. Alors qu'on sait très bien où est الحمد que le verset est صحيح. لكن ليس الخبر كالمعاينة. Et قصة موسى عليه الصلاة والسلام في هذا elle est معروفة مشهورة. قال ابن كثير رحمه الله وما ذلك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم فهذا donc ce كلام il est مفيد راجع تفسير ابن كثير رحمه الله والآية الثالثة عشرة قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير قال البغوي رحمه الله قال ابن إسحاق جعل الله المهاجرين والأنصار أهل ولاية في الدين دون من سواهم وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض ça nous montre qu'on ne doit pas mélanger ça أنت tes frères ceux à qui tu dois faire confiance ceux que tu dois aimer ta communauté c'est les musulmans قال عز وجل الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا إلى آخره قال أولئك بعضهم أولياء بعض. On doit pas tout mélanger. Celui qui mélange في هذا c'est un bœuf de fitna. فلهذا قال عز وجل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بعض الناس الآن mélange في هذا. Il y a plus aucune différence entre le musulman et le kafir. أي من حيث الولاية والمحبة والنصرة. Ça c'est très très grave. قال وجعل الكافرين بعضهم أولياء بعض. ثم قال إلا تفعلوه وهو أن يتولى المؤمن الكافر دون المؤمن تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فالفتنة في الأرض قوة الكفر والفساد الكبير ضعف الإسلام. Exactement ce qu'on vit là. Croyez pas que ceux qui appellent al-hikma, ce qu'ils appellent hikma, la douceur, la tolérance, l'égalité, l'islam de France, ils sont utiles pour la communauté. C'est eux, سبب الضعف, c'est eux la cause de la fitna. Comme من الناس الآن, ils ont des choubas via ça, ils pensent que il pense que aqidat al-wala wal-bara aimer fillah détester fillah il pense que c'est la voix de Ibn Taymiyyah pardon il pense que la voix c'est la voix de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab c'est le wahhabisme pardon il dit c'est le salafisme alors que c'est l'islam ou l'haq on dirait maintenant ceux qui se sont rabaissés qui ont fait des concessions عند al-kafara que ce soit certains prêcheurs ou certains musulmans. Combien de concessions ils ont fait, combien on doit à la fin les kuffars. Même sa femme, elle va chercher son enfant à l'école avec le hijab, alors qu'il n'y a aucun mal. On ne parle pas de le sitar, hein. Allahu alam, ce hijab, comment il est? Avec toutes les faiblesses qu'elles ont, il a akhiré. Ce hijab, hatta hada, ils ne veulent pas. Pour te montrer, il n'y a pas de fraternité, ils ne t'aiment pas. Donc, aina, qawl, sahab l'islam de France, qu'il faut les respecter, tolérer, aina hada. Là, on doit les détester, villas. On doit être juste, ne pas faire d'injustice et quitter ce pays pour être tranquille et applique ton deen. applique ton dîn et tu verras que tous ces problèmes avec le kuffar, tu les auras plus. Tu seras loin d'eux et tu as ta aqida, je les déteste fillah, azza wa jalla. Sans être injuste, si j'en rencontre un fibulal muslimin, il est rentré bi'ahd wa amn wa aman. Et il est rentré, il m'a pour des affaires, il m'a pour le tourisme, il m'a pour le commerce, il est en sécurité, je lui parle pas, il me parle pas, et je lui fais pas de mal, il me fait pas de mal, intaha. Et même si on lui parle, fait shay minad dunya, tant que c'est pas du haram, c'est moubeh, mouhim, ça s'arrête là. Vous avez compris la relation. Amma hunak, fala, hunak y'a l'école, hunak y'a les aides sociales, hunak y'a les enfants, hunak tu les vois dans la rue, le système s'est fondé sur le coffre, c'est très très difficile. Al-Haqiqa, ils essayent de trouver une solution depuis les débuts des années 2000. Ça a commencé l'affaire du sitar. Thumma, ils ont fait la loi. Pourquoi? Les sœurs en sitar, elles étaient minoritaires et elles n'avaient personne pour parler en leur nom. L'imam d'Ali Annahu, c'est la sunna. Sahab l'islam de France, ils les ont laissés. Elles se sont mis contre elles. Ils ont enlevé la loi. Al-Kuffar, ils ne laissent pas. En gros, des années après, ils sont venus au hijab que Sahab l'islam de France, elle porte elle-même. Hatta hada, vous allez l'enlever. Ils sont hagada al-Kuffar. Ils sont hagada. Enfin, c'est quoi la solution? La solution, ce n'est pas les débats. La solution, ce n'est pas les concessions. Abadan. La solution, c'est cette femme, elle patiente. Et si elle est mariée, elle fait des efforts avec son mari pour quitter Bilal al-Kuffar. Comment rester chez des gens qui ne t'aiment pas? Ils ne te faciliteront jamais. Al-An, vous avez remarqué qu'ils ont toujours la même façon d'agir. Al-An, ils sont dans l'étape, beaucoup de débats. Internet, la télé, est-ce qu'on fait la loi? Jusqu'à que les gens ils s'habituent. Et vous verrez dans quelques mois une loi. Ça va commencer le hijab, pas à l'école. Al-An, il parle des sorties scolaires et la akhri. Les gens, ils accepteront. Al-An, c'est une minorité de femmes. Ça ne touche pas les autres. Un autre jour, vous verrez. Les magasins là, les marchés là. Un autre jour, et ils en parlent, hein, de la laïcité, il ne faut pas que la religion elle apparaît, elle ne couvre pas son voile, elle ne couvre pas sa tête, pas de voile. Ah, qu'est-ce qu'ils sont? Et tu trouves, Wadl Ravilin, il pense, là, on va essayer de dialoguer, ils nous écoutent, voilà, min shay min hada, c'est déjà mukhattat, ils savent déjà où ils veulent en venir, lakin, les malades, ils vont doucement. Et ils font croire aux musulmans que tu débats avec eux, ton avis les prend en compte. Les malades, les anoum, ils ont peur que Ba'd al-Muslimin, ils les détestent vraiment et ils basculent. Inda al-Sunnah. C'est ça leur crainte, homme. C'est pour ça qu'ils vont tout doucement pour mettre des choubas. Et ils utilisent Ashab l'islam de France. Faqat. Lakin akhtar al-Nas, la ya'lamoun. Wa qal ibn Kathir, ay, illam tujanibu al-Mushrikin, wa tuwalu al-Mu'minin, wa illa waqa'at fitnatun fil-Nas. وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل. C'est quoi la cause? تأمل la parole de l'imam Ibn Kathir. Ibn Kathir, c'est un imam. Il est apprécié de chaque musulman. Tout le monde connaît son livre Tafsir, tout le monde connaît son livre Al-Bidaya wa Al-Nihaya, tout le monde connaît son livre Qasas Al-Anbiya. Ces livres, ils sont répandus de l'imam Ibn Kathir. فتأمل أيها المسلم, cet imam qui est mort il y a des siècles. Il y a des siècles. تأمل قوله أي إلّم تجانب المشركين. أي, ça veut dire quoi? تجانب المشرك. C'est tu t'écartes, tu t'éloignes. وتوالي المؤمنين. Tu te rapproches des musulmans. لأن من معاني التوالي الولاية, c'est se rapprocher, aimer. والبراءة, s'éloigner, détester. Si t'appliques pas هذا, قال وإلا وقعت فتنة في الناس. Il y aura une fitna في الناس. Qu'est-ce qui se passe en France là? Maintenant, on vit dans ce pays musulman. Nos femmes, wallahi alhamd, elles portent le hijab. Est-ce qu'on a ce problème? On n'en parle jamais. Les femmes, les sœurs, elles sortent, elles ont le hijab. Alhamdoulilah, c'est tout à fait normal. Mais ceux qui se sont mélangés à eux, waqa'at fitnatun finnas, wa huwa iltibas al-amr. C'est tout mélangé là. Pardonnez, ils ne savent pas. Est-ce qu'on doit débattre? Est-ce qu'on ne doit pas débattre? Est-ce qu'on doit mettre le hijab de, même s'ils mettent la loi, les amendes patientes? Est-ce qu'on quitte le territoire? C'est tout mélangé. Que le wahid, il leur dit quelque chose. Qala, واختلط المؤمنين بالكافرين. C'est tout mélangé là. Là, tu trouves même des kuffars, ils sont contre la loi du hijab. C'est mélangé. Tu trouves Ba'd al-Muslimin, c'est un musulman, il fait salat et tout. Et il dit là, sahih, c'est une république, il a akhri. Pourquoi? Elles ne mettent pas le hijab. Tu trouves hada. C'est tout mélangé. Tu trouves un kafir, c'est un adouallah. Et il dit là, la liberté, elles ont le droit de mettre le hijab. C'est tout mélangé. Et ce kafir qui appelle à la liberté, c'est un kafir, billah azzawajal. Lakin, c'est une fitna. Ba'd al-Mu'minin, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ondoro. هذا il est طيب الى اخره, ça ouvre un bab. عيادا بالله. في بلاد المسلم, tu es préservé de tout cela. Il n'y a ni débat sur La hijab ou la shay. Ici, les gens, ils débattent, ils se battent pour manger. Ils n'ont pas le temps de hada, ça. Ça y est, le matin, le soir, c'est niqashat et comment manger, comment boire, comment. Hada, ils sont. Hey, alhamdulillah, ils essayent de vivre. Amma haoula, iyadun billah. Les malas, cette femme, elle porte un voile. Si tu prends les premières muslimettes qui étaient en France, on va dire à peu près les années 40, les années 50, on va abuser les années 60 jusqu'à les années 2020. L'imada, il n'y a jamais eu un problème. Là, qui ne borde l'islam. Il déteste l'islam. Et vous avez remarqué que Daïman, le premier pays, c'est la France. Daïman. Comme a dit Cheikh Al-Albani, c'est Ummul Khaba'ith. La France. Daïman, t'ouvres le bab. Et après, les autres, ils vont suivre. عيادا بالله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين والمسلمات شر الكفرة قال فيقع بين الناس فساد منتشر عريض طويل ce فساد منتشر il sera répandu عريض طويل c'est pour montrer qu'il sera énorme قال قال رحمه الله عريض طويل انتهى هذا نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات faut faire dua pour هؤلاء faut les conseiller Il faut leur montrer. C'est pour ça qu'on a décidé de choisir ce genre de livre. C'est ça le muhim l'un. Amawadoum, ils sont en France et ils sont encore. Ils font encore des dourous en langue arabe et ils ne connaissent rien min hadal bab. Yuharibounak. Yuharibounak. Ta langue arabe, elle ne te sera pas utile si avec cette langue arabe, tu ne lis pas mit l'hadi l'kutub. On s'entraide pour essayer de simplifier en français pour que tu comprennes. Chaque musulman il doit donner de l'importance à ce point. Si tu comprends ce point, ce livre, tu comprendras tout ce qui se passe là. En France, muharabat al-muslimin wa al-muslimat. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-salama wa al-afiyah. Naktafi bi hada. Et le prochain dars, on continuera inshallah.